moi petit malin. T'as sauté ton grand bras mais tu sais pas nager. Tu veux nous diviser mais ça va pas marcher. On était tous censés manger à la même table. J'aimerais voir le nom que j'ai dans ton portable. Fais pas le mec, viens si tu croises madame. Je serai pas la même si c'est Ramadan. Je ne voulais pas en arriver là, mais t'as ramené les keufs chez moi. Obligé de mentir à la maman. J'ai pas la force de dire que toi qui les envoies. Ça c'est la dounia, pas accompli de fric, ça aussi c'est dounia. Et par rapport au fils, Merli, c'est la dounia. J'ai grandi dans la rue, demande à ma canqueta. La ragra, ça paye pas, demande à Dona Ima. M'oublie pas quand je vais tomber dans l'anonymat. Je démissionne parce que j'en ai eu marre. Et dire que toutes ces années j'étais dans les choux. Je fais confiance à la mitar, c'est Pédic Dajou. Tous les moyens sont bons pour revenir à vous. N'achète un marabout. Va falloir justifier tous ces millions d'euros. Tu veux me faire endosser le mauvais rôle. Tu vends la confrérie car ça sent plus la rose. Finalement tu auras été ton propre bourreau. Oh yo, m'appelle plus jamais rouillard. Tu décroches pas petit trouillard. Tu m'as laissé dans le brouillard. Balagala au fric, tout ça c'est la dounia. Bar accompli de fric, ça aussi c'est dounia. Et par rapport au fisc, Merlis c'est la dounia. Tu m'attaques en justice mais ça rime à rien. Tu m'as tendu la main juste pour baisser mon jean palma. Puis regarde-moi dans les yeux, on n'est pas dans le parrain. On aurait pu régler l'histoire avec un gros câlin. J'ai mis l'anneau magique pour voir comment tu réagis. Je bosse avec la serre et Momo de Paris. Chassé puis combattu comme une otarie. Oh laisse-moi faire du sale avant qu'un autre arrive. Tu n'as jamais voulu m'apprendre à pêcher. Du moins quand je faisais la canne à pêcher t'es cassé. J'oublie pas d'où je viens, j'arpente les rues en vain. Je suis dans le quartier de Mondo, gardien du musée Grévin. Oh yo, m'appelle plus jamais rouillard. Tu décroches pas petit trouillard. Tu m'as laissé dans le brouillard. Balagala au fric, tout ça c'est la dounia. Bar accompli de fric, ça aussi c'est dounia. Et par rapport au fisc, Merlis c'est la dounia. Et... oh yo, m'appelle plus jamais rouillard. Tu décroches pas petit trouillard. Tu m'as laissé dans le brouillard. Balagala au fric, tout ça c'est la dounia. Bar accompli de fric, ça aussi c'est dounia. Et par rapport au fils, Merlis c'est la dounia. I got to you on the tracks.